Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Patty Smith, Mapplethorpe. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Charlotte Escamez, réalisée par Cédric Ossire. Dans la fiction d'aujourd'hui, Patty Smith nous raconte sa vie, ses amours, sa passion pour Robert Mapplethorpe, pour la poésie aussi, Rimbaud ou Baudelaire, son engagement, sa musique et bien sûr, le rock, un milieu essentiellement masculin où longtemps les femmes ont été confinées au rôle de groupies, voire de compagnes de stars. Linda McCartney, aujourd'hui disparue, on a fait les frais par exemple. Elle tenait le clavier sur scène avec Paul, ce qui a inspiré à Mick Jagger, leader des Stones, cette phrase très élégante. Moi, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller sur scène avec Bobon. Que dire aussi des ragots autour de Yoko Ono, l'épouse de John Lennon, soi-disant à l'origine de la séparation des Beatles, qui est une bêtise majeure, bêtise factuelle. L'artiste japonaise avait simplement le mauvais goût aux yeux de ces messieurs d'être aussi une artiste. Bref, on a rarement dit à l'époque que telle ou telle femme de ce milieu eût pu être à l'initiative d'une histoire ou d'un mythe du rock et de la pop. Alors, remettons aujourd'hui à l'honneur les femmes indispensables à cet art. J'ai nommé Patti Smith, donc, mais aussi Tina Turner, Nina Hagen, Joan Baez, Emily Warris, Marianne Faithfull, Vanda Jackson, Janis Joplin, Amy Winehouse et plus récemment Björk, toutes engagées, passionnées, toutes artistes. Patti Smith, donc, elle, c'est une légende vivante, l'une des plus grandes incarnations du rock féminin, écrit Sophie Rosemont dans son livre Girls Rock, paru aux éditions Nil, et avec qui, dans la seconde partie de l'émission, nous poursuivrons notre voyage au sein de l'univers poétique et fantastique de Madame Smith. Pour l'instant, écoutons-la nous raconter sa vie, sa musique, ses chansons, ses amours, depuis sa naissance en 1946 dans le New Jersey, l'abandon de son premier enfant, encore adolescente, son apprentissage new-yorkais avec Robert Mapplethorpe, sa folle passion de la poésie et de Rimbaud, ses débuts de rockeuse avec son album légendaire Horses en 1975 et son amour avec Fred Sonic Smith. Elle est ce qu'on appelle une icône. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Patti Smith, Robert Mapplethorpe, de Charlotte Escamez. Tu es né un lundi, le 4 novembre 1946, dans une famille catholique très croyante. Je suis né un lundi, la même année, à Chicago, dans une famille modeste et aimante. Il faisait si froid. Toi, tu es mort à 43 ans, le 9 mars 1989. Moi, je ne sais pas encore. Tu m'as fait promettre de raconter ton histoire. Et ton histoire, c'est aussi la nôtre. Petit, tu passais ton temps à fureter à l'église en jouant à l'enfant de cœur. Ta mère te rêvait prêtre. Tu étais tiraillé entre le bien et le mal. Tu apprivoisais ton nécessaire à bijoux reçu à Noël en confectionnant des colliers et des broches aux teintes magiques. Au même moment, j'étais alitée suite à mes nombreuses maladies d'enfant malingre, toujours un livre dans les mains ou en train de tenir mon journal. Quand j'allais mieux, je me promenais dans les bois où j'écrivais dans ma tête de grandes sagas inspirées des quatre filles du docteur March. C'est à l'adolescence que les vrais problèmes ont commencé. À 19 ans, j'ai couché avec un garçon et je suis tout de suite tombée enceinte. Il était novice, un peu plus jeune que moi. La fac m'a renvoyée. On m'a trouvé une famille d'accueil lorsque les choses sont devenues trop évidentes. À cette époque, le mariage était synonyme d'enfant, mais moi, je n'étais prête ni pour l'un ni pour l'autre. Je savais seulement que j'allais confier mon enfant à une famille gentille et instruite qui pourrait prendre soin de lui. J'ai accouché, je suis rentrée chez moi, mais je savais que c'était pour repartir au plus vite et accomplir mon destin. Toi, tu dessinais. Tu gobais du LSD en rêvant de devenir artiste. Car même si tu te connaissais mal, tu avais déjà cette conviction. J'ai perdu mon travail à l'usine. J'ai décidé de partir pour New York. Sans argent, mais avec l'envie de ressembler à Rimbaud dont les illuminations ne me quittent pas. Je suis devenue une vagabonde. Un type m'a prise sous son aile. J'ai connu la liberté de la bohème. Mais cette liberté me donnait faim. Faim tout le temps. Faim sans arrêt. Cet été-là, Coltrane est mort. Et pourtant, l'été 67 était constellé de promesses d'étoiles. Je croyais en l'amour. Mission, trouver du travail. J'ai trouvé. Caissière, au nord de Manhattan, chez Brentano, session bijoux. Tout brillait. J'étais comme une pie. Le moindre bracelet était hors de prix pour moi. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas quand on n'a pas un copec? Un collier perçant était mon préféré. Je l'essayais souvent. Par un beau matin, tu es entré dans la boutique et tu l'as acheté. Ne le donne à aucune autre fille que moi. Promis. Tu es reparti comme une illusion. J'ai élu domicile en secret dans la boutique car je n'avais pas d'endroit pour vivre. Un jour, un type est venu voir le patron, un auteur de SF. Il m'a invité à dîner. J'étais contente de m'imaginer manger à ma faim. Ma mère m'a toujours dit « Ne va nulle part avec un inconnu ». Évidemment, j'y suis allée. Ça a failli mal finir. Cette nuit-là, comme par miracle, tu es arrivée avant que je me jette dans la gueule du loup. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien, mais tu m'as sauvé la vie. Alors comme ça, tu t'appelles Patty? Moi, c'est Bob. On n'a pas une tête de Bob. Je peux t'appeler Robert? Ouais, si tu veux. Allons, Berry's Village. Ils font des super ex-crimes. C'est quoi? Sirop de chocolat, lait, eau gazeuse. Une spécialité new-yorkaise, baby. Ça va sûrement plaire. Tu sais où dormir ce soir? Non. Et toi? Non plus. Mon ancien coloc est en vacances. Je sais où il cache ses clés. Je crois qu'il sera cool avec ça. Direction Brooklyn. On a pris le métro. On s'est donné la main en souriant. Robert a récupéré la clé cachée dans une brique et en est entré. On était tous les deux timides. Robert m'a montré ses travaux pour me mettre à l'aise. Je pensais à Michaud, au mandala de mon enfance. Toutes ses formes et ses couleurs semblaient être mon propre reflet intérieur. Nous avons feuilleté des livres d'art en remontant le temps de Dada à Michel-Ange. Nous étions un. Il était mon chevalier. Nous sommes restés ensemble, tout simplement. Les amis de Robert nous ont recueillis. Moi, j'étais à bout de nerfs sans le savoir. Ce début de vie new-yorkaise n'avait pas été si simple. Je pleurais si souvent que Robert m'appelait l'éponge. On formait un drôle de couple, une gitane et un berger. En me réveillant le matin de notre première nuit, sur la chaise, bien enveloppée dans du papier de soie violet entouré d'un ruban, il y avait le collier persan. Il avait tenu sa promesse. Il ne l'avait pas offert à une autre fille. J'étais cette fille qui avait confiance en lui. L'église m'a mené à Dieu, le LSD à l'univers, et l'art me mène au diable. Et le sexe l'a maintenu auprès de lui. Robert s'intéressait à Lucifer, à l'occultisme, à une magie noire qui le rendait mutique. C'est à cette époque que j'ai fait ce terrible cauchemar. Il m'est apparu, vêtu d'une chemise blanche, sur un chevalet de torture, en train de se désagréger. Ses cendres brûlent encore mes mains. Mais j'étais incapable de croire en cela. J'en frissonne quand j'y repense. J'ai trouvé un travail chez Scribner's. J'étais fière de fouler le prestigieux temple du livre. Je me rapprochais des mots. J'avais la joie de croiser des clients excentriques comme les Rothschild, dans leurs longs manteaux noirs, ou Catherine Hepburn, parée d'une casquette recouverte d'un foulard en soie verte. Je racontais mes journées à Robert, qui restait maintenant enfermé à travailler chez nous. Il avait lâché son boulot qui le rendait triste, et c'est moi qui subvenais aux besoins de notre modeste foyer. Robert envahissait l'espace avec ses installations. Il était devenu très solitaire. Au printemps, Martin Luther King s'est fait abattre à Memphis. Mon cœur était en miettes. Robert m'a offert une robe blanche de Pâques. Nous nous sommes rendus chez ses parents. Il a fallu leur faire croire que nous étions mariés. C'était sinistre. Je crois pas qu'ils nous aient cru. On n'avait même pas de bague au doigt. Je t'ai attendu toute la journée. Tu sais où j'étais? À la librairie. Je me sens seul. Tu crées. C'est ce que tu voulais, non? Tu rentres et tu fais la gueule. Tu crois que ça me plaît, moi, cette cellophane qui recouvre les murs? T'as démonté notre chapelle romantique. Tu fais tout ça pour toi, pas pour moi. Et puis c'est flippant, tous ces frics partout. C'est comme s'il nous regardait. C'est mon espace de travail, tu veux que je les mette où? Mais tu me bouffes. Voilà, t'es content? Quoi? Mon amie Janet m'a proposé de partager son appart. Je crois qu'un peu d'air nous fera du bien. Du bien? Ouais. De toute façon, il faut que je parte d'ici aussi. J'ai eu ma bourse. Je vais aller à San Francisco. Pourquoi faire? Accompagne-moi. Là-bas, c'est la liberté. Mais je suis déjà libre. Qu'est-ce que tu me chantes? Faut que je découvre qui je suis. Robert Mapplethorpe. Tu veux quoi de plus? Comprendre. Viens avec moi, Patty. Si tu viens pas, je vais finir avec un mec. Mais tu délires. Tiens, j'ai écrit ça pour toi. Chaque fois que tu me demandes à quoi je pense, je réponds rien. Alors tiens, voilà. J'ai l'impression d'accepter l'hostie et la communion. Accepte-la et suis-moi à San Francisco. Tu veux ? Je ne suis pas partie avec Robert. Je n'étais pas préparée à son aveu. Je n'y comprenais d'ailleurs pas grand-chose. Dans mon imagination livresque, l'homosexualité était une malédiction poétique. Mishima, Genet ou Gide en parlaient. Et moi, je croyais que, comme pour Rimbaud et Verlaine, l'homme aimait un autre homme parce qu'il n'avait pas trouvé la femme avec qui tout partager. Il m'a fallu un peu de temps pour accepter les changements de Robert. Pendant son absence, j'ai fréquenté un autre garçon, mais ça n'a pas duré. Robert est revenu de Californie transformé. Il voulait poursuivre notre relation. J'ai tergiversé et finalement, il a trouvé un petit ami. J'ai réalisé ce vieux rêve d'aller à Paris avec ma sœur Linda. J'économisais depuis un bail et j'ai obtenu une autorisation d'absence à la librairie. Avec Robert, nous nous sommes promis de travailler sans relâche pendant notre séparation. Nous sommes passés par l'Islande avec un avion à hélice. Sac de marin sur l'épaule, nous avons enfin débarqué dans un petit hôtel miteux Montmartre. Allez, Patty, faut que tu en marches. Montmartre, comme dans mes rêves, t'es un peu raide. Tu sais ce que j'aimerais là, maintenant, tout de suite? Dis-moi tout. Du pain et du fromage. Ah, nous, fromage qui pue. Oh, je rêve aussi de voir où Édith Piaf a chanté. Où Gérard de Nerval a écrit. Où Baudelaire est enterré. Allez. On y est. C'est l'hôtel? Dis donc, ça a l'air miteux. J'ai repéré sur le plan où se trouve le bureau d'American Express. On marchera. De toute façon, c'est petit Paris. Avec Robert, on doit s'écrire tous les jours. Mais je te rappelle que si t'es là, c'est aussi pour décrocher un peu de Robert. On ne décroche pas de Robert. C'est pire que l'acide. Même si j'en ai jamais pris. Va chercher la clé. Je te laisse perfectionner ton français avec le concierge. Je monte direct. Je sais déjà que c'est au 6e sans ascenseur. J'étais exténuée par le voyage. Une journée est passée sans que j'y prenne garde. Patty, allez, Patty, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est? T'es à Paris avec ta sœur préférée. On a 1 million de choses à faire, à voir, à manger. Oh, j'ai l'impression d'avoir dormi 2 jours. Regarde-moi cette vue sublime sur les toits. Comme c'est romantique. La chambre est petite, mais elle est très gaie. On va aller au Père Lachaise. J'ai besoin de parler aux morts. Prends l'appareil photo. Après, on ira au ciné. Il passe One plus One de Godard. Génial. Et puis, on ira chercher le courrier. On vient d'arriver. Attends au moins demain. J'ai écrit à Robert. Et Robert m'a écrit. Sa dernière lettre était enjouée. Il disait être allé voir un film, lui qui détestait le cinéma. Macadam Cowboy. J'ai lu sa missive entre rire et larmes. Ça parle d'un gigolo de la 42e rue. C'est un chef-d'œuvre. Gigolo. Gigolo. Gigolo, ça me définit parfaitement, il faut croire. Je lui ai répondu en utilisant une cible du jeu de fête foraine comme carte postale. Trouée au centre, bien sûr. Mon Robert, Je traîne dans une petite fête foraine, dans une rue des Halles. Je t'aime. J'ai tout à fait l'air d'une gitane. Foulard, ruban dans les cheveux. Et je suis seule. Je voudrais que tu sois là, avec ta chemise ouverte jusqu'à la taille, à transpirer le sexe comme un gigolo. Il y a des autotamponneuses ici, de petites voitures à gaz sur une énorme piste en bois. J'en ai pris une jaune vif. Tout le monde était surpris, car les filles n'essaient jamais. Les gens n'arrêtaient pas de m'offrir des tickets, $1 pièce. Je devenais dingue. C'était beau. Je suis allée hyper vite. Le vent de Paris derrière moi, je fonçais dans les autres. Puis repartie toute seule. Un vieil homme au stand de tir m'a donné cette carte. Il m'a fait le baise-main. J'ai dessiné une grande étoile sur un mur en briques rouges. J'ai dansé seule dans la rue et pensé à toi, à Times Square. Robert Mapplethorpe, 102 Clinton Street, New York, USA, par avion. Mais ces lettres étaient parfois si tristes. Patty, j'ai terriblement envie de pleurer, mais mes larmes sont bloquées à l'intérieur de moi. Le bandeau que j'ai sur les yeux les retient. Je n'y vois rien aujourd'hui. Patty, je ne sais plus rien. Je me mêle dans le poison du jardin de la perversion. Je suis attiré par les images SM que j'ai intégrées à mon travail. Je ne sais pas ce que ça signifie. Tout ce que je sais, c'est que mon travail est bon. Ah, il y a des trucs qui bougent. Ah, c'est officiel, t'as des... Oh non, je t'avais dit que le lit était pas net. Ah, c'est comme chez Rimbaud, sale et poétique. Faut acheter du vinaigre blanc. On va faire fuir tout le monde. Même les mouches. Oh non, c'est pas vrai. Merde. Quoi? Brian Jones est mort. Non. Mais il était là sur l'écran il y a 2 jours. The One Plus One de Godard. Fais voir. Brian Jones, fondateur des Rolling Stones, a été retrouvé mort au fond de sa piscine. Il avait 27 ans. Ils vont donner un concert gratuit à Hyde Park. Je peux pas rester sans rien faire. Je vais écrire des poèmes pour Brian. Je dois exprimer mon amour du rock'n'roll. Écris, ma sœurette. Les semaines sont passées, rythmées par nos danses, nos éclats de rire, nos interminables balades dans Paris, nos fréquentes incursions au Père Lachaise, nos visites au bureau d'American Express pour le courrier. J'ai vu en rêve les 250 000 personnes venues assister au concert des Stones, abasourdies et émerveillées par les 3500 papillons blancs lâchés par Mick Jagger qui ont maculé le ciel londonien. J'ai écrit pour Brian Jones, pour le rock'n'roll. J'ai envoyé une lettre par jour à mon Robert. J'ai joué de la musique dans la rue, avec Linda, en rejoignant des musiciens de rue pour faire la manche. On a mangé du fromage, du pain et du fromage. Et on a bu du vin algérien jusqu'à plus soif. Et d'un seul coup, je me suis inquiétée. J'attendais que nous soyons devant la tombe de Baudelaire pour ouvrir la lettre de Robert. Ma Patty, j'ai déménagé dans le loft de Terry sur Delancey Street, sous le pont de Williamsburg. On vit à 4. Les amis de Terry ont une compagnie de déménagement. J'ai de la place pour mes œuvres et du travail pour payer mon matériel. L'imagerie SM m'inspire de plus en plus. J'expérimente un nouveau projet où il y a un crochet placé à la place de la bite à laquelle je vais suspendre une chaîne avec des dés et tête de mort. Je vais y ajouter des bandes tachées de sang et des tampons souillés. J'ai mal partout. Mes gencives sont blanches et douloureuses. Un homme a marché sur la lune, c'est incroyable. Tu me manques. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il va pas bien avec toi non plus du coup. On va rentrer. Et puis on n'a plus assez pour payer la chambre. Au revoir Baudelaire. J'étais bien avec toi. Je suis rentrée à New York. Robert était dans un terrible état. Nous nous sommes reposés quelques heures, mais notre quiétude a été de courte durée. En nous levant, nous avons eu très peur. Un jeune homme s'était fait assassiner juste devant notre porte. Sa silhouette était dessinée à la craie. On a traversé la ville d'est en ouest et on est arrivé dans le pire endroit que j'avais jamais vu. L'Allerton. Les ressorts cassés traversaient le matelas recouvert de draps sales. Pas d'eau courante dans la chambre. Une odeur de pisse mêlée à de l'insecticide, de la crasse partout. Les poux de Paris étaient mignons comparés à la vermine de cet hôtel. Robert a voulu faire l'amour. Il a transpiré. C'était sans doute bien vu son état. Mais il s'est rendu compte qu'il avait chopé la chaude pisse et qu'il me l'avait sans doute transmise. Voir Robert grelotter de fièvre sur ce lit d'acier m'a désespérée. Je suis sortie acheter du lait, du pain et du beurre de cacahuète. Mais évidemment, il ne pouvait rien manger. En revenant, une voix m'a interpellée dans le couloir. Mademoiselle, passe et repasse, que cherche-t-elle ? Pardon ? Je suis là, approchez. Vous êtes comme une apparition. Vous voulez vous asseoir un instant ? Pourquoi pas ? Je reçois sur mon lit. Vous savez, je suis allé à l'Allerton depuis longtemps. Une éternité, je ne compte plus. J'arpente les couloirs en arabesque. Les épaves viennent s'échouer ici. À côté, c'était Peter, un barman qui n'a plus rien à boire car il vient de mourir. Devant, c'est John qui n'a plus de place pour se piquer, alors il attaque la langue. Ce n'est pas beau à voir. Moi, je chante, parfois, pour ne pas entendre les gémissements du dernier arrivé, Gary. J'ai l'impression que je ne dors jamais, mais j'oublie vite, en faisant le nécessaire. Vous aimez mon peignoir en mousseline ? Je vois que vous l'observez. Il est très élégant. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais danseur classique. Je suis devenu morphinomane, un saut dans le vide. J'ai failli faire carrière, mais ça a mal tourné. Tout le monde souffre ici. Vous n'auriez pas quelque chose pour soulager mon ami ? Il a une angine ulcéreuse, sa fièvre ne retombe pas, je ne sais pas quoi faire. Allons le voir. Elle est venue. Elle était devant moi sur sa montagne de sel. Patty, je crois qu'elle me cherche. Non, non, la laisse pas. Pourquoi tu veux qu'on aille là-bas ? Oh, regarde, c'est comme dans les étoiles. Le délire. Comme nous tous. Il menace avec des couteaux, c'est dangereux. Non. C'est quoi ce carton ? Non, la laisse pas. Nos portfolios ? Non, la laisse pas. Celui de Robert avec le ruban noir, le mien avec le rouge. Vous voulez regarder ? Avec plaisir. C'est bien. Vous êtes sur la bonne voie ? Au Chelsea Hotel, on peut troquer une chambre contre un tableau. Vous pouvez essayer. Maintenant, vous devriez partir. Vous n'avez rien à faire dans mon royaume. Emmenez-le chez le docteur si vous voulez qu'il aille mieux. Merci. J'ai pas assez pour payer la chambre. Alors, il faudra vous enfuir à l'aube par l'escalier de secours. Je ferai le guet. Au revoir. Au revoir, cher ange de la morphine. On va quitter cet endroit. Tu vas guérir et je vais reprendre mon travail. Patty, oui. Oui, ça va aller. Ensemble, ça va toujours. On ne se quitte plus. Promis. Pas tant qu'on n'est pas sûr de savoir voler tout seul. Dans le hall du Chelsea Hotel, en attendant le gérant pour obtenir une chambre, nous avons croisé Harry Smith. Artiste, musicologue et collectionneur, qui loge là depuis longtemps. Qui êtes-vous ? Avez-vous de l'argent ? Vous êtes jumeaux ? On est ensemble. On est artistes. Asseyez-vous et attendez là. Très bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il faut l'aider. Je vais vous donner un tuyau. Quand tu verras Monsieur Bard, le gérant, dis-lui que tu attends une avance de ton employeur et que tes œuvres valent bien plus qu'un loyer. Offre les portfolios en gage. Et ensuite, appelle un médecin, bon sang de bonsoir. D'accord. Une avance, un gage. Vous attendez aussi ? Non, une amie vient me chercher pour déjeuner. Alors vous êtes pauvre ? On peut dire ça, oui. Comment vous vous appelez ? Harry Smith, pour vous servir. Patty Smith, enchantée. Et Robert Mapplethorpe. Smith, comme moi ? Vous êtes sûr? On doit être de la même famille. Les Smiths sont toujours pauvres. C'est dommage. Je connais votre anthologie folk music, une sacrée référence. On le dit, oui. Je prépare un film d'après Bertolt Brecht. Vas-y, Smith. J'attends avec lui. Tu vas tenir le coup? Je vais essayer. Il y a un médecin dans l'hôtel. Je lui dis de passer dès que vous avez la chambre. Merci, Harry. Tu pourrais jouer dans mon film quand tu seras guéri. J'aime bien tes cheveux. Petit veut pas que je les coupe. Ta jumelle a raison. Les clés de la 10-17? C'est la plus petite, mais c'est bien quand même. Robert, je vais t'aider à monter. Et j'envoie le médecin. Le docteur est arrivé. J'ai attendu dans le couloir. Le verdict est tombé. Robert était mal nourri, très fiévreux. Ses dents de sagesse étaient égrenées. L'angine ulcéreuse n'arrangeait rien et puis la maladie vénérienne, contagieuse. Il fallait que je fasse les piqûres aussi. C'était une épreuve pour moi, car j'ai la phobie des aiguilles. Mais j'avais pas d'autre option. Je me sentais sale. Un inconnu m'avait transmis un truc. Pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Notre chambre bleue était exiguë mais parfaite. J'ai réussi à récupérer mon travail chez Scribner's. Tout allait rentrer dans l'ordre. Robert supportait mal d'être malade. J'ai veillé sur lui nuit et jour pendant plusieurs semaines. Il s'est relevé et a pu se remettre au travail. Le Chelsea Hotel était devenu notre refuge. Et toi et moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Petit, on sera toujours toi et moi, quoi qu'il arrive. Si on allait à Coney Island, ça fait longtemps. Allez, je mets mon borsalino et en route. J'adore aller voir l'océan en métro, c'est magique. Oh, j'ai envie d'une barbe à papa. Et moi de tirer à la carabine. Eh, tu te souviens de l'homme à la tête d'âne? Et de la femme à trois jambes? Tu mets plus de frics dans tes œuvres? Les garçons en cuir ont pris le relais. Mets le disque Coney Island Baby des excellences. Alors, on reste là, comme si on y était? Oui, on est bien. Appelle Harry. J'ai quelque chose dans mes mains qui te sera très utile. Quoi, une potion magique? Non, une brosse pour démêler tes nœuds. Pas touche, laisse-moi faire. Très jolie brosse, d'où elle vient? Vous ne saurez rien sinon que cette brosse démêle ce qui est emmêlé. Tu sais qu'on change de chambre demain. La combien? La 204. Ah, la salle de bain est crasseuse, mais c'est bien quand même. Elle est plus grande. C'est quoi ce bleu, Robert, sur ta pommette? C'est le mec du kiosque. J'ai ouvert un magazine pour voir les images SM. Comme il n'y avait rien d'intéressant, j'ai pas voulu l'acheter, alors il m'a frappé. Les magazines porno coûtent 5$ pièce. Tu m'étonnes que vous soyez pauvre. Robert devrait prendre ses photos lui-même. La jumelle a raison. Oh non, pas envie de m'embêter, le développement coûte cher. Robert devait se mettre derrière l'objectif. Et moi, je devais dire mes textes. Nous avons eu 23 ans. Robert disait que les années 70 seraient notre décennie. Il avait raison. Le Chelsea voyait défiler des tas d'artistes. Un jour, Salvador Dali m'a traité de corbeau gothique. J'ai pris le compliment. Robert manquait toujours d'argent. Il tapinait. J'en pleurais. J'en garde une en souvenir. Quand j'en aurai fini, j'attaquerai les miens. Qu'est-ce que tu vas te faire? Tu m'inquiètes? J'ai mon idée depuis un moment. Une coupe à la Keith Jarrett. Tu devrais chanter plus. Je vais le faire. Je suis devenue androgyne. Miraculeusement, des portes se sont ouvertes. J'ai commencé à jouer au théâtre. Je me suis enfin sentie poète et j'ai écrit des chansons. Chacun de nous deux poussait l'autre là où il sentait qu'il devait aller. En 71, Robert s'est acheté un Polaroid. 60 secondes d'attente pour voir ce qu'il avait pris lui correspondait parfaitement. J'ai été son premier modèle. Quelques années plus tard, j'ai enregistré Horses. Mon premier album à l'Electric Lady, le studio mythique de Jimi Hendrix. Je ressentais une gratitude inouïe envers le rock'n'roll pour avoir réchappé d'une adolescence difficile. J'avais acquis la force de voler de mes propres ailes. Mon travail avec mon groupe m'a emmené loin de Robert. J'ai réalisé qu'ensemble, nous n'avions jamais franchi les frontières de New York. Robert a enfin osé révéler son homosexualité au grand jour. Nous avions progressivement rompu nos liens physiques. Dans les années qui ont suivi, fidèles à notre serment, nous avons continué ensemble, mais séparément. Comme disait Rimbaud, nous avons amorcé un départ dans l'affection et le bruit neuf. Mais c'est incroyable, ça passe partout. Tu voulais que je chante ? Tu sais que cette chanson est un tube, Patty. Elle est montée à la 13e place du top 40. C'est ce que t'as toujours voulu pour moi. Je suis si fier. Patty, t'es devenue célèbre avant moi. C'est notre dernière balade avant un moment. Tu sais que je pars bientôt. Alors ça y est, tu t'envoles. Et nous ? Ma mère croit encore que nous sommes mariés. Tu vas devoir lui annoncer notre divorce. Patty, les catholiques ne divorcent pas. Robert disait modestement qu'il s'en était pas mal sorti. Il était devenu un célèbre photographe. En 1979, j'ai quitté New York. Une nouvelle vie avec Fred Sonic Smith m'attendait. En 1986, alors que j'attendais mon deuxième enfant, Robert a appris qu'il avait le sida. Mon amour pour lui ne pouvait pas le sauver, et son amour de la vie ne pouvait pas le sauver non plus. Il est mort le 9 mars 1989. Il a été l'artiste de ma vie. C'était Patty Smith, Robert Mapplethorpe, de Charlotte Escamez. Avec Marion Malenfant, Christophe Montenez, Elsa Agnès, Maxime Dambrun, Juliane Eguerix. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lofar Guéride. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Cédric Ossir. Fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know, a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. wood, hounded, shredding our veils, unwinding our sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted, paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouthed, glassy eyed, hallucinating. Affaires sensibles, la fiction. I think in writing poetry, I was quand j'écrivais de la poésie, je crois que je me satisfaisais de la solitude de l'écriture et de la poésie. Mais quand j'ai commencé à faire des lectures publiques, des performances, j'avais trop d'énergie à l'intérieur, trop d'agitation intérieure. Et puis aussi, je voulais vraiment engager le public avec moi, être en contact avec eux plutôt que de leur lire simplement. Donc j'ai commencé à chanter des petites chansons a cappella entre mes poèmes. Bien sûr, je ne songeais pas du tout à en faire un album ou à creuser cette veine. Mais je voulais simplement énergiser la lecture des poèmes. Je n'ai jamais eu de formation musicale. Je suis autodidacte, mais simplement je n'ai pas peur de me tenir debout et de parler ou de chanter devant 2 ou 200 000 personnes. Je crois que c'est dans ma nature, simplement. Parce que le plus clair de mes activités, c'est l'écriture, le dessin, la photo, ce sont des activités très solitaires. Et c'est sympa d'être en contact physique avec les gens. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Patti Smith, Robert Mapplethorpe, notre invité Sophie Rosemont, auteur du livre Girls Rock, paru aux éditions Nil. Bonjour Sophie Rosemont. Bonjour Fabrice. Vous êtes journaliste et vous collaborez avec plusieurs journaux et magazines comme Rolling Stone, L'Amour et les Inrocks. Vous êtes chroniqueuse pour l'émission La Dispute sur France Culture et vous avez été auteur pour le nouveau dictionnaire du rock dirigé par notre ami Mishka Assayas, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute en ce moment. Bonjour Mishka. Alors aujourd'hui, Sophie, vous êtes avec nous donc pour nous parler de Patti Smith et du rock, ce que vous avez admirablement raconté dans votre livre Girls Rock aux éditions Nil. Tout d'abord, revenons sur l'archive que nous venons d'écouter. On a entendu Patti Smith se confier sur son art, le plaisir de son art, le plaisir solitaire parfois, et aussi d'être avec les gens. Qu'est-ce qui se dégage de ce qu'on entend là, et de ce qui est Patti Smith? Bah, on entend au son de sa voix, même s'il y avait le doublage, l'espèce de sérénité très assez extraordinaire chez cette femme qui en a vu des vertes et des pas mûres, tout de même une enfance quand même assez pauvre, une adolescence bouleversée par l'abandon, la grossesse, l'accouchement et l'abandon très difficile de cet enfant, des années quand même à de grandes galères financières à New York, et puis une fois ayant trouvé une espèce de sérénité aux côtés de Fred Sonic Smith, la mort prématurée de celui-ci, la mort de Robert Mapplethorpe, qui était son alter ego, et pourtant elle est plus forte que jamais. C'est une artiste qui, au fur et à mesure du temps, s'est construite non pas une carapace, mais a su nourrir sa force intérieure, quasi exclusivement de son art et aussi de l'amour qu'elle a pour ses enfants, qu'on oublie souvent d'évoquer. Mais elle a un amour vraiment complètement dévotionnel, fusionnel avec ses deux enfants, qui l'ont aidé vraiment à tenir la barre après le décès de Smith et de Mapplethorpe. Et oui, je crois que tout ça, on l'entend. C'est un peu le vieux chou du rock, Patti Smith. Elle a une sagesse venue d'autres siècles, d'ailleurs. Elle est née à un autre siècle, le 20e, et tout en restant extrêmement intemporelle, toujours très calme, elle sait très bien choisir ses mots. Elle s'exprime d'ailleurs beaucoup plus comme une auteure ou comme une poétesse que comme une chanteuse de rock'n'roll. Cela dit, lorsqu'elle sort Horses, qui est vraiment le disque emblématique, moi j'étais ado à l'époque, et je peux vous dire que pour un ado, c'était vraiment une chanteuse de rock quand elle a repris Gloria de Van Morrison, hein, c'est ça. Elle la chante avec un côté sauvage et extraordinaire dans un rock dur qu'on aimait, nous les ados, et j'imagine les adultes aussi. Donc elle est aujourd'hui l'incarnation d'une certaine sagesse, mais elle a été aussi l'incarnation d'un vrai rock. Patti Smith, c'est une idole des punks, de toute manière, évidemment. C'est Johnny Marr, le guitariste des Smiths, on a parlé. Les mecs des Sex Pistols l'aimaient, Kurt Cobain l'aimait. Il y a vraiment quelque chose de très abrupt, à la fois de très sophistiqué et de très abrupt dans son chant, qui en fait à la fois une espèce de chamane, une chamane de sa propre poésie ou de celle des autres, hein, parce que c'est aussi quelqu'un qui vit là-dedans, hein, voilà, son dernier livre en parle très bien, de l'admiration qu'elle porte à ses idoles littéraires, poétiques, voire parfois cinématographiques ou musicales, et à la fois de son propre message qui est très fort. Mais oui, l'énergie Horses, c'est un album qui est mythique dans l'histoire du rock'n'roll, autant que n'importe quel album de n'importe quel homme. Bien sûr. Bien sûr. Ah, vous dites autant que n'importe quel homme, on y Je arrive. Je précise. Voilà, on y arrive. Est-ce que vous pensez, un peu dans la lignée de ce que je me suis donné la liberté de dire dans l'introduction, que, évidemment, à l'époque, voilà, le rock, c'était les hommes. Bah, majoritairement, c'était des hommes en surface, en public. Eh oui. Parce que sinon, les femmes ont toujours, toujours tâté de la guitare, toujours tâté du micro. C'est vrai que j'ouvre mon livre avec Sister Rosetta Tharpe. On est quand même dans les années 40. Elle a inspiré après Chuck Berry, Pete Townshend. Donc, oui, les femmes ont toujours été là, mais elles ont évolué dans l'ombre pendant très très longtemps. Patti Smith fait partie de ces femmes. C'est pas la première, mais une des premières à vraiment prendre la lumière sur elle, l'assumer parfaitement et estimer être à sa place. Donc elle fait tomber une barrière, quoi. Tout à fait, elle a fait partie des personnalités qui ont fait tomber des barrières. Déjà, marier la poésie et le rock comme elle faisait. Ensuite, prendre le micro, donner des ordres à des mecs sur scène, être entourée de guitaristes masculins sans que ça lui pose de problème. Et pas jouer du tout la carte de la séduction, du rouge à lèvres et de la robe à volant pour faire plaisir à un producteur ou un directeur artistique. Ça, c'était pas du tout son genre. Girls Rock, c'était quoi l'intention de votre livre? L'intention, c'était raconter des histoires qui ne sont pas assez, tout simplement. Ça fait maintenant longtemps que j'interviewe des artistes, des hommes comme des femmes, parce que je précise que je ne suis pas du tout anti-homme. Moi, mes premières idoles sont des hommes, mais des hommes quand même assez féminins. Et d'ailleurs, j'ai une idole que je partage avec Patti Smith, qui est Jim Morrison, et aussi Arthur Rimbaud, d'ailleurs. Et quand j'ai rencontré Patti Smith, on a beaucoup parlé d'Arthur Rimbaud et de Jim Morrison. Donc, Lou Reed, David Bowie, ce sont des personnages qui ont vraiment construit mon amour pour la musique et qui n'étaient pas réputés pour leur virilité abusive, n'est-ce pas, excessive. Et qu'est-ce qu'elle disait de Jim Morrison, par exemple? Ah, que c'était un chaman, que c'était un vrai chaman. Ah oui. Je crois que toutes les histoires qu'a construit Jim Morrison autour de l'accident de l'Indien auquel il a cité petit, cette âme qui aurait pu rentrer sur lui, et puis l'attitude qu'il avait sur scène, qui reprend dans The End, et qui reproduisait sur scène, a beaucoup impressionné Patti Smith, qui, je crois, a une révélation sur son potentiel scénique à elle lorsqu'elle a vu Jim Morrison sur scène. Et quand elle a entendu chanter « Father, I want to kill you, mother, I want to fuck you ». Ça, oui. Effectivement, c'était... Ça lui a plu. Tout ce qui est évidemment, on va dire, freudien avant, comme Rimbaud, ou après l'heure, comme Jim Morrison, ça plaît forcément à Patti Smith, qui est aussi très sensible à la philosophie, notamment de Simone Weil, à la psychanalyse. C'est des choses vraiment qui l'intéressent. Donc voilà, mon but, c'était de raconter l'histoire de toutes ces femmes, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Patti Smith, mais elles sont plus d'une centaine, plus ou moins connues, comment elles ont réussi à se faire une place, en quoi elles sont importantes, même si leur carrière a été parfois très éphémères, ou leur destin tragique. Bien, Sophie Rosemont, on se retrouve dans quelques minutes. Le temps d'écouter évidemment Patti Smith et bien sûr Gloria. Jesus died for somebody's sins but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Sophie Rosemont, alors, un moment très important dans la vie de Patti Smith, sa période new-yorkaise, pour résumer la question, je vous invite à me donner une réponse qui résume, mais il s'est passé tellement de choses, tellement important. Bah, déjà, il se passait beaucoup de choses à l'époque à New York. C'est pas du tout la New York qu'il y avait aujourd'hui. Elle l'a écrit dans Just Kids, c'était une, elle parle du mot sexuel, mais bruyante aussi, et aussi dangereuse. Donc elle arrive dans une ville qui n'est pas du tout celle qui a été embourgeoisée par Rudolph Giuliani, où il se passe tout et n'importe quoi, où il y a la factory d'Andy Warhol, où il y a des freaks, des toxicos. C'était une ville absolument bouillonnante, où qui a vu émerger des talents fous à l'époque, qui a vu émerger son punk à elle. En termes d'art, l'art brut est, a connu une espèce d'explosion très étrange avec Basquiat, Kissarig n'allait pas tarder à arriver. Tout ça, c'était un tournant qui était encore après les 60s, hein. Donc oui, quand enfin, elle arrive à New York, à la fin des années 60... Oui, c'est-à-dire en 67, elle dit « L'été 67 était constellé de promesses d'étoiles, je croyais en l'amour ». On rappelle que l'été 67, c'était l'été de l'amour. Hein. C'était, oui, le... Flower qui a été... Power, c'était Summer of Love. Voilà. Oui, Summer of Love, et qui a été très vite balayé par la fin 69-70. Oui. Mais au moment où elle commence à évoluer dans une sphère artistique, s'assumer en tant qu'artiste et pas forcément penser tout le jour à comment elle va manger, parce que cette période-là a quand même duré des mois et des mois, on va dire que c'est vraiment le tournant 70, qui a ouvert une nouvelle ère dans New York. Et donc, oui, tout Tout ça pour dire que New York a été très importante dans la mythologie Patti Smith. C'est une ville à laquelle elle était extrêmement attachée, et c'est aussi les années de sa jeunesse avec Robert Mapplethorpe, ouais, qui lui est resté attaché à New York beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'elle fréquentait les têtes d'affiche ou les icônes du rock, du pop art à New York? Elle était moins fan du travail d'Andy Warhol que Mapplethorpe. Mapplethorpe adorait le travail de Warhol, elle pas du tout. Enfin, elle le trouvait appréciable, mais c'était pas évidemment tout ce qui était lié à la surconsommation, que ce soit critiquable ou pas, ses boîtes de soupe lui plaisaient moyennement. Peut-être le côté grand Manitou, en revanche, d'Andy Warhol devait lui plaire un peu plus avec l'ouverture qu'il faisait de la Factory aux artistes de tous bords. En revanche, ils ont croisé Janis Joplin. John Lennon aussi, quand John est allé vivre à New York. Voilà, ils ont croisé John Lennon quand il arrivait là-bas. Elle a vraiment fréquenté beaucoup de personnes et elle a vu des concerts incroyables, notamment, typiquement, les Doors. Eh ben oui. Voilà, les Doors, qui n'ont quand même pas une vie très longue. Et puis, voilà, elle a rencontré Iggy Pop, etc. Patti Smith, ça a été, sans être mondaine, et elle le dit dans la citation qu'on a entendue tout à l'heure, c'est quelqu'un de solitaire, mais sans être mondaine et en étant complètement solitaire, voire parfois introvertie, dégage cette chaleur humaine, cette sérénité, je crois qu'elle a toujours eu, qui plaisait aux gens. En fait, qu'ils étaient aimantés par elle, comme elle aussi était aimantée par eux. Ce que j'aime beaucoup chez Patti Smith, c'est sa facilité à dire que oui, c'est une admiratrice, qu'elle aime le travail des gens, et que c'est grâce à eux qu'elle est devenue artiste, sinon elle ne serait pas devenue. Et comment elle devient chanteuse de rock? Parce qu'on ne se dit pas, tiens, je vais être chanteuse de rock, encore faut-il pouvoir le faire, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, Gloria notamment, il n'y a pas que ça évidemment, c'est une superbe chanteuse de rock, formidable. Elle est devenue, comme beaucoup, chanteuse de rock, chanteuse par hasard. Et tant mieux, elle a su aussi assez rapidement s'entourer. Des gens l'ont encouragée, Lenny Kane notamment, ce fabuleux guitariste. Et puis après, il y a eu ce tube qui a été, je dis bien, coécrit avec Bruce Springsteen, Because the Night, qui est arrivé un petit peu plus tard, mais quand même très vite, et qui a vraiment bouleversé la donne pour Patti Smith. Oui, clairement. Ça l'a fait basculer du côté d'une star du rock. Voilà, complètement limite mainstream. Et, et ça, je suis toujours très agacée quand on dit « Ah, Springsteen a donné Because the Night à Patti Smith ». Non, c'était quand même un travail à quatre mains, ouais, qui venait à l'origine de Springsteen, mais que Patti Smith a su reprendre à sa sauce et avec une force que personne n'a égalée depuis. En tout cas, vivre de son art, c'était bien sa balise, son phare, son objectif absolu. C'était son objectif total. Quand elle est partie du New Jersey, après avoir couché de cet enfant qu'elle a dû abandonner, qu'elle avait été virée des usines, de tous les endroits où elle pouvait travailler, qu'il n'était plus question pour elle d'être institutrice, parce que on n'a pas un enfant quand on n'est pas marié à cette époque. Elle a décidé qu'elle devait tenter le tout pour le tout et que la seule chose qui l'intéressait depuis l'enfance, c'était l'art. Ouais. Et c'était presque de l'ordre du suicide sacrificiel, ce départ du New Jersey vers New York avec rien. Et d'ailleurs, elle s'est rendue compte en partant qu'elle n'avait finalement pas l'argent pour prendre un billet pour aller à New York. Et dans une cabine téléphonique, elle a trouvé un sac à main avec une poignée de dollars qui lui a permis de partir. Elle a jamais su qui a été cette heureuse bienfaitrice de ce sac à main avec les dollars qui lui manquaient pour prendre, je crois, le train ou le bus pour Port Authority, la gare où tout le monde arrive à New York. Mais c'est une histoire assez fabuleuse. Patti Smith, c'est aussi une vision de l'American Dream. Oui, bien sûr. Assez différente de ce qu'on connaît, parce que l'American Dream, souvent, on arrive à une maison à Beverly Hills, quelque chose de très clinquant, de très luxuriant. Patti Smith, pas du tout. Après, elle s'est isolée pour s'occuper de ses enfants, elle est revenue un peu à New York, maintenant elle voyage, mais de façon toujours assez chiche. Mais donc, c'est le champ du possible. C'est le champ du possible, mais quasiment uniquement intérieur et artistique. Ouais. L'argent n'a finalement jamais été, ça a été une préoccupation, mais n'a jamais été une obsession chez elle. Pour elle, la réussite n'était pas l'argent. La réussite, c'était uniquement l'art. L'accomplir et le porter, l'incarner. C'est une icône. C'est une référence assez ultime et j'espère éternelle. C'est joli. Merci Sophie Rosemont. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires sensibles à la fiction. Aujourd'hui, Patti Smith, Robert Mapplethorpe. Une fiction écrite par Charlotte Escamez, réalisée par Cédric Ossir. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Annie Euro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Julien Chavassu.